mon ami, maintenant je le déteste. Ah ouais, en vrai je l'aime bien, mais elle fait mal à la tête. Ah ouais, elle fait mal à la tête, tête, tête, tête, tête. Maintenant je la déteste, tête, tête, tête, tête. C'était mon ami, maintenant je le déteste. Ah ouais, en vrai je l'aime bien, mais elle fait mal à la tête. Ah ouais, elle fait mal à la tête, tête, tête, tête, tête. Maintenant je la déteste.